Ah, j'encule le monde, volume 1. C'est pas le dernier album. H, la menace fantôme, le frangin. Traîne le soir, je me soigne à la médecine. Tous à qui la faute, il est petit. Fais la carrière à mes streams. Coup, j'ai pas de fortune cachée. Rarement content, frère. Normal. J'suis en embrouille avec mon compte bancaire. Un sale décor, on veut vider la salle décor. Parano, quand tu planques ton kilo dans un sac de sport. Mes Nike sur le sol et j'enchaîne les Marlboro. Parle bien et joue pas le Mac Bolos. Traîne près des sirènes, à l'affût des francs. Moi j'veux le bénéf, m'en pas un menteur pédale. Moi j'ai l'air sur les lèvres. Les tox manquent de grains de sel dans ma tête. La panne sèche, trop de savon sur les passerelles. Certaines bouches manquent de Colgate. J'ai la bêtise comme maîtresse, y'a un problème conjugal. Cette pute me prend la tête, me parle en nausée et en crame. Sur les feuilles des gribouillages, l'envie de prendre l'argent et l'argent. Mec j'ai les plans Harris, Danny Pan et son agence. J'traîne avec du frelon à capuche, des rusés et des crapules. Est-ce qu'ils font un 4 crapules? Y'a plus d'un boucher dans ma ruche, ça consomme des cannes. Et puis grave du sucre en poudre, les neurones sont cramés. Et les plus stressés s'attachent à la poche. J'ai calciné 23 bougies, j'ai grandi avec looping. Entre les roses fanées et les sacs d'ortie. Un tas d'histoires sordides, y'a plus de journée sportive. On sort seulement si y'a de la weed et du whisky. J'ai dit au revoir à la Volvic et bonjour à la vodka. On est beaucoup dans ce cas, les beaucoup sans tasse. Les bédos s'entassent dans le sandard. De la vie on s'en tape, ah, 20 piges j'suis sans tape. Mais sinon que ça va, moi j'veux pas le PC vert. J'suis pas là pour plaire, me gratte pas Michto, moi j'suis pas la Bépierre. J'préférais sécher qu'assister à des cours. La conseillère m'a dit c'est manpower ou à des cours. Dégage, tu dis 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0-5, 1-2-0- les plaques sous les pulls, les résolutions macabres. J'ai déserté les salles de classe malgré un niveau acceptable. Les CHF dans le bocal, y'a pas de pelouse dans nos stades. Je traîne avec l'alcool russe, man, le temps est exécrable. Les plaques sous les pulls, les résolutions macabres. J'ai déserté les salles de classe malgré un niveau acceptable. Je traîne dans le 1-2-0-5, j'ai vu les tocs sans manque de coquelets. S'emmerde les mômes, je danse avec les mômes. Moi j'encule le monde et je m'en piffe de Sky. Un coup de pavé, mec, les pifs se cassent avant des kills de sable. Nique les bidouquets, j'ai la trique du cap. On fait des bis tout crade, ça craint sa race. On voit le cash par là, jamais comme tabac ta cache. Ici on se tabassera le bat. Attiré par les vagos de prestige, y'a pas de sans trafic, j'veux des lingots du pestis. La messe est dite et le ciel est gris. Évite les pièges, les vices et baise les fonds. C'est chacun pour soi, aux armes citoyens, génération. Mal, mal, all-star et requin, all-star les catins. Plein de 11 bacs au quartier, marécage, street, c'est le 11 dans sur le terrain. Reine du Maya Sun, ok, et y'a pas trop de princesses. Les barbicans, mon cratère avale pour un seul joint d'air. Moi j'ai pas de plan de carrière, ni de Porsche Cayenne. Moi j'écoute les Acariens et Marc d'ailleurs. C'est leur âge dans ma sphère, les mots de tête s'enchaînent. Les portes se crochettent, y'a des excès de colère. Et pas de Madame Soleil, les civils enquêtent. Alors moi je me fais ce crédit, les suicides m'écrivent pendant que je rêve du poulain qui lisse.